出身、鈴宮春日。ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら私のところに来なさい。以上。 J'ai débarqué dans cette école il y a 6 mois peut-être. J'ai pas eu trop de bol, elle était juste derrière. Elle change de coupe de veuche tous les jours de la semaine. Elle était pas trop moche mais voulait se faire un alien. Et moi je suis un ado qui aime bien ce genre de fille. Et pour finir le tableau, elle s'appelait Arui. Arui. Un jour j'y ai causé, juste pour lui demander si elle était sérieuse pour cette histoire ténébreuse. Elle sort un baragouin que je comprends pas très bien, mais v'là que le lendemain, ses cheveux sont coupés fins. Et moi je suis un ado qui aime bien ce genre de fille. Pour finir le tableau, elle s'appelait Arui. Arui. Suite à notre dialogue, elle voulut fonder un club, la brigade SOS, qui a son propre blog. Elle a trouvé deux membres, Mikuru et Yuki. Et plus tard dans le clan, arrive Itsuki. Et moi je suis un ado qui aime bien ce genre de fille. Et pour finir le tableau, elle s'appelait Arui. Arui. Dans ce club on recherche plein d'extraterrestres, des êtres psioniques, des voyageurs temporels. Sauf que chacun des membres est grave paranormal. En fait il n'y a que moi qui suis vraiment normal. Car moi je suis un ado qui aime bien ce genre de fille. Pour finir le tableau, elle s'appelait Arui. Arui. Le monde est menacé car Arui s'ennuie. Il y a 3 ans dans le passé, c'était déjà pas terrible. En plus Itsuki m'a dit que Arui, à défaut d'être princesse, en fait c'est une déesse. Et moi je suis un ado qui aime bien ce genre de fille. Et pour finir le tableau, je suis l'élu de ce monde pourri. Très pourri. Et moi je suis un ado qui aime bien ce genre de fille. Et pour finir le tableau, elle s'appelait Arui. Arui, Arui, Arui. Fourche. Fourche.